I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic is fantastic. Bonjour, je voulais pousser un coup de gueule parce que la parité n'est pas respectée dans cette émission. Je suis désolée, mais hier, l'émission sur Barbie, il n'y avait que des femmes en intervenance. Vous trouvez ça normal, ça ? Poupée, Barbie, ok, c'est bien mignon tout ça. Mais Ken, les hommes, on en parle un petit peu ? You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation. J'ai joué à la Barbie, je l'ai démembré. Allez, bye. Come on, Barbie, let's go party. Je pense qu'on projette beaucoup de nos idées d'adultes sur la poupée Barbie. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, dans les années 90, on vivait nos aventures avec la poupée Barbie. Et puis, même si elle était toujours souriante, il lui arrivait tout plein de malheurs. On lui faisait vraiment pas de cadeaux dans sa vie. Et voilà, bonne journée, au revoir. Come on, Barbie, let's go party. Et mais vous êtes sérieux à France Inter ? Vous faites une émission sur une poupée qui porte le nom d'un officier de police SS qui a des mensurations qui ne peuvent pas exister pour un être humain et qui conduit un avion décapotable. Mais franchement, c'est quoi votre problème ? Vous pensez que nos enfants sont déjà pas assez psychopathes après des mois de confinement ? Bah merci le service public, hein. J'ai une question sur Ken, étant donné qu'il est pas vraiment bien équipé. Est-ce que Ken Barbie ? Voilà, des bisous. To be or not to be, not to be. Vous vous rendez compte que si Superman était gros, il aurait les mêmes pouvoirs ? Superman, en fait, il a des muscles qui lui servent à rien. C'est le soleil la source de ses pouvoirs. Superman pourrait être maigre, obèse ou en mobilité réduite, il continuerait d'être plus fort que n'importe qui. Vous imaginez le changement en termes de représentation du corps à l'image ? Au cinéma, Christopher Reeves aurait pu continuer à être Superman même en fauteuil. Au lieu de ça, on a cette apologie permanente du summer body parfaitement normé. Parce qu'on parle du diktat de la mode dans les magazines féminins, mais ça existe aussi pour les hommes. Les super-héros au corps d'Apollon, les mannequins slip qui regardent l'horizon en ayant l'air de résoudre une division compliquée, ces footballeurs ou ces mecs aux muscles saillants sans un pet de graisse totalement déshydraté en couverture de GQ. Du coup, moi, à 43 ans, chaque matin, je passe une heure à faire des pompes, des squats et des burpees dans le but de faire disparaître le vieux mec qui apparaît dans ma glace tous les matins. Ce mec qui se rase la tête pour se donner l'illusion qu'il a fait le choix d'être chauve. Ce mec qui a des poils blancs dans la barbe comme s'il venait de manger une baguette tradition. Ce mec qui a besoin de souffler 6 à 7 minutes quand il en a couru 2 avec sa petite fille. Ce mec qui utilise des mots de jeunes en pensant que les jeunes les utilisent encore. Dans le dernier Avengers, des fans ont reproché à Marvel Studios d'avoir fait grossir Thor. Mais c'est un dieu, bordel ! Si t'as pas le droit d'être gros quand t'es un dieu, quand est-ce que t'as le droit ? Moi, je vais vous dire, j'aurai les pouvoirs de Superman, mais non seulement je pense que j'aurai le corps que je veux, mais je sauverai les gens à poil. De toute façon, qu'est-ce que tu vas dire ? Je suis Superman. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Entre l'époque où les océans ont englouti l'Atlantide et l'avènement des fils d'Arius, il y eut une période de l'histoire fort peu connue dans laquelle vécut Conan, destiné à poser la couronne de Kylonia, ornée de pierres précieuses, sur un front troublé. C'est moi, son chroniqueur, qui seul peut raconter son épopée. Laissez-moi vous narrer ces jours de grande aventure. En février 1932, lors d'un voyage à Fredericksburg, au Texas, l'écrivain Robert Irvin Howard a l'idée d'inventer le pays de Cimérie. Une terre remplie de forêts obscures et de vallées lugubres, ainsi que le héros qui va avec, Conan. Très loin des archétypes de la fantasy de cette époque, Conan est un anti-héros avec un code de l'honneur qui lui est propre, un survivant capable d'une férocité sans égale, mais aussi d'une noblesse d'âme sans pareille. Pirate, mercenaire, chef de guerre et même roi, le personnage de Conan est l'ethnologue iconoclaste d'un univers uniquement défini par l'imagination de son auteur. Pour parler de ce personnage si connu, sans l'être, vraiment, hein, du grand public, j'ai avec moi Franck Magoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes fanboy, amateur éclairé et activiste de la cause Robert E. Howard, plus connu sous le pseudonyme de Palantide. Palantides, exactement. Palantides. Avec nous également Virginie Augustin, bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinatrice d'animation et de bande dessinée, et vous avez notamment dessiné votre version de Conan, Conan le Cimérien, chimère de fer dans la clarté lunaire, édité chez Glénat et paru en juin 2019. Absolument. Avec nous également Xavier Fournier, bonjour. Bonjour. Vous travaillez actuellement à l'écriture d'un guide de Gotham City pour Monolith, qui est également l'éditeur du jeu de plateau Conan. Et vous allez sortir prochainement un ouvrage sur Jack Kirby. Voilà, tout à fait. Avec nous également Benjamin Parent, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur et scénariste et vous avez notamment réalisé votre premier long métrage, un excellent film qui s'appelle Un vrai bonhomme, sorti en janvier dernier. Tout à fait, merci. Avec nous au téléphone, Patrice Louinet, bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes traducteur et spécialiste de Robert E. Howard et vous avez soutenu une thèse sur Howard il y a 6 mois d'ailleurs. Vous avez reçu les félicitations du jury. Et ben, je vous félicite également à mon tour. Merci. Ensemble, on va remonter à la création de Conan. On tentera de mieux comprendre qui était Robert E. Howard, cet écorché vif, fan de Lovecraft, qui, en très peu d'années de vie, a marqué de sa présence toute la littérature d'heroic fantasy jusqu'à aujourd'hui. On parlera bien évidemment du film de John Milius avec Arnold Schwarzenegger, mais aussi de cette seconde vie pour le personnage de Conan en bande dessinée, que cela soit chez Marvel Comics ou en France chez Glénat. Allez, par Chrome, blockbuster spécial Conan, c'est parti. Nous ne sommes que des hommes. Pas des dieux, pas des géants, de simples hommes. Et le secret de l'acier a toujours porté avec lui un mystère. Tu dois apprendre sa valeur, Conan. Tu dois apprendre ses lois. Car à personne, personne en ce monde, tu ne dois te fier. Ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux bêtes. À ceci, tu dois te fier. Patrice Louinet, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui était Robert Ervin Howard ? Alors Howard, c'est un auteur qui est né en 1906 au Texas et qui a très tôt décidé de devenir écrivain. Et à l'époque, lorsqu'on est un écrivain en herbe aux États-Unis, le marché principal, le débouché, ce sont ce qu'on appelle les pulp magazines, qui sont des revues populaires bon marché. Il y avait une de ces revues en particulier qui s'appelait Weird Tales et qui a été une sorte de berceau pour énormément d'auteurs dans les genres fantastiques et donc fantasy, en particulier Howard évidemment, Lovecraft ou Clark Ashton Smith entre autres. C'est quelqu'un qui est avant tout autodidacte, qui a très tôt abandonné ses études de façon à pouvoir devenir écrivain professionnel et qui en 2 ans est arrivé à pouvoir vivre de sa plume. Est-ce qu'il avait des influences majeures déjà à l'époque ou des auteurs qu'il admirait plus que d'autres ? Oui, alors ses influences, c'est principalement des auteurs d'aventure américains ou britanniques. Très peu de fantastique en fait. C'est quelqu'un qui s'est rapproché du fantastique à la parution de Weird Tales, mais ses lecteurs de jeunesse, c'est avant tout c'est Stevenson, c'est Kipling, c'est Jack London, c'est Rider Haggard, des gens comme ça. Et Conan n'était pas sa première création. Très loin de là, c'est quelqu'un qui a très rapidement compris que pour vendre un maximum d'histoires dans les pulp magazines, il était intéressant d'avoir des personnages récurrents. Et donc, il a créé pas mal de personnages. Celui qui a véritablement lancé sa carrière, c'est Solomon Kane, donc qui est aussi assez connu. Il y a eu un film sur lui qu'il crée en 1928. Et il y a Cull, qui est un roi atlante, qu'il a créé en 1927, mais qui paraît dans les pages de Weird Tales en 1929. D'ailleurs, un film a également été fait. De personnages facilement, hein, donc je parle juste des plus connus. Et comment lui est venue l'idée du personnage le plus célèbre de son œuvre, Conan ? Alors, il y a 2 choses. C'est lors d'un voyage en début 1932 dans le sud du Texas, dans une petite ville qui s'appelle Mission. Et là, il est parti en vacances pendant environ 1 mois. Et là, il se souvient d'un paysage qu'il a contemplé dans les collines de Fredericksburg. Donc Fredericksburg, c'est ce qu'on appelle le Hill Country au Texas. C'est une région où il y a beaucoup de collines. Et le jour où il y est allé, il y avait énormément de brume. Et c'est là qu'il a l'idée de la Cimérie, donc qui va devenir le pays de Conan. Et le personnage de Conan lui est venu comme ça, comme lui viennent en fait la plupart de ses personnages. Il a l'inspiration de ce nouveau personnage. Et puis il rentre chez lui. Et là, il commence à écrire furieusement sur l'univers de Conan, l'histoire de l'Agiborien qui va créer tout ça en même temps dans une sorte de fureur créatrice qui va s'étaler pendant environ 10 semaines. Et la version de Conan de Robert E. Howard, qui est donc la version originelle de base, a finalement assez peu de points communs avec la version que connaît le grand public de Conan le Barbare incarné par John Schwarzenegger dans le film de John Milius. Alors tout à fait, c'est un sujet sur lequel j'écris et je parle depuis des années. Je fais depuis le distinguo entre Conan le Cimérien, qui est pour moi l'incarnation du personnage de Howard, et Conan le Barbare, qui est la figure connue du grand public avec le comics de Marvel en particulier, et évidemment le film de Milius. Mais il y a très peu de rapport en fait entre le personnage original, entre les histoires de Conan. Howard est avant tout un novelliste, c'est un littéraire, et la figure du personnage conquérant qu'on a fait Milius principalement. Et qu'est-ce qui explique cette bifurcation entre le personnage originel et... Je vais essayer de faire très simple, mais c'est principalement né à partir des années 60, lorsqu'un éditeur peu scrupuleux a décidé de réorganiser les écrits de Howard sans son consentement, évidemment, puisque Howard était mort, et d'en faire une sorte de véhicule dans lequel le nom Conan était mis en avant. Ça veut dire qu'on a transformé une série d'histoires dont le protagoniste est Conan, les histoires de Howard, mais les histoires de Conan de Howard ne parlent jamais véritablement de Conan. Il n'est pas question de son destin, du fait qu'il va devenir roi un jour, qu'il a un plan de carrière, ou ce genre de choses. Ce sont des histoires qui traitent de différentes thématiques, mais qui ne parlent pas de Conan lui-même. Lorsque, dans les années 60, le personnage a commencé à avoir une importance populaire grâce donc aux éditions chez Lancer Books aux États-Unis, avec les couvertures de Frazetta, puis par la suite les comics de Marvel et enfin le film de Milius, on a mis en avant le personnage pour en faire une sorte de héros avec une sorte de cycle, un destin qui l'amenait de sa jeunesse jusqu'à son but ultime qui était de devenir le roi d'Aquilonie, chose qu'on ne retrouve absolument pas chez Howard. Donc en fait, on a assisté à la mise en idole, si je puis dire, d'un personnage littéraire pour en faire quelque chose d'autre. Ça fait beaucoup penser à ce qui est arrivé à Frankenstein, par exemple, de Mary Shelley, dans lequel les incarnations cinématographiques ou populaires n'entretiennent que très très peu de rapport avec la création originale. Et alors, dans ce Conan originel, qu'est-ce qui le distingue des autres héros de la littérature fantasy ? C'est pas véritablement un héros, c'est un protagoniste. Les histoires ne parlent pas de lui, comme je le disais tout à l'heure. Dans, par exemple, L'Éclou Rouge, c'est une nouvelle qui parle avant tout de la décadence de la civilisation, telle que Howard l'a concevée. Oui, parce que c'était un grand pessimiste, lui. Hein. Pardon ? C'était un grand pessimiste, Howard. Ah, c'est un grand pessimiste. Il avait des sautes d'humeur assez impressionnantes. C'est quelqu'un qui est mort très jeune, qui s'est suicidé. Et il vivait dans un monde aussi qui était celui de la crise américaine des années 20 et 30. C'est Conan étant, on peut dire en grande partie que Conan est une sorte de réaction par rapport à cet univers américain de l'époque, de la Grande Dépression. Conan, ce qui le caractérise, c'est qu'il est capable de survivre. Ce n'est pas un conquérant. L'image qu'ont la plupart des gens avec les fameux dialogues de Milius, c'est que c'est quelqu'un qui va tuer ses ennemis et entendre ses femmes gémir au fond de la nuit ou quelque chose comme ça. Le personnage de Howard, c'est avant tout quelqu'un qui survit. Sa force ne lui sert pas à tuer ses ennemis ou à devenir conquérant, sa force lui sert simplement à survivre dans un monde qui ne fonctionne plus. C'est pour ça que la fantasy de Howard, qui est très très sombre, elle a une résonance encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a été populaire dans les années 30, dans les années 60, enfin à partir du milieu des années 60 et depuis les années 2000, parce que c'est une œuvre qui fait toujours résonance avec le monde dans lequel on vit. Et alors, la fantasy aujourd'hui est souvent définie par les gens, par le grand public, par Tolkien, mais Howard a été aussi assez déterminant dans la conception de ce folklore au niveau inconscient. Et qu'est-ce qui vous a séduit chez Howard au point d'en faire une thèse ? J'ai pour habitude de dire qu'on n'a pas vraiment le choix de ses obsessions, donc je vais le répéter. C'est une œuvre qui m'a toujours fasciné. Depuis que le jour où j'ai découvert mon premier récit de Howard, qui était La Tour de l'éléphant, une nouvelle de Conan, quand je lisais des commentaires sur Conan, sur ce que les gens y voyaient, c'était absolument pas moi ce que j'y retrouvais. Donc, et j'ai commencé à m'intéresser de fil en aiguille, c'est devenu une obsession, c'est devenu une passion, où j'ai fait pas mal de choses depuis, puisque j'ai pas mal d'activités qui tournent autour de Howard. Mais pour revenir sur votre première question au niveau des origines de la fantasy, aujourd'hui quand on dit fantasy pour le public, que fait un auteur de fantasy ? La première chose qu'il va faire, c'est créer une histoire de son monde virtuel, de son monde secondaire, c'est dresser des cartes, c'est imaginer des fiches de personnages. Le premier auteur qui fait ça en fantasy, c'est Howard.

sur un bouclier. Deux serpents dans le même dessin. En face l'un de l'autre. Mais ne faisant qu'un. Avec le soleil et un croissant de lune. Un soleil noir, une lune noire. Symbole du mal. Oui. Tu dois le mériter, barbare. Je rappelle que vous pourrez, durant tout cet été, via notre répondeur, nous laisser des messages au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour. Conan, voilà, le livre, le film, les jeux vidéo, les jeux de plateau. N'hésitez pas, ce répondeur est pour vous. Nous sommes toujours avec la dessinatrice Virginie Augustin, le journaliste Xavier Fournier, le réalisateur Benjamin Parent, le fanboy Franck Magoni et le traducteur Patrice Louinet. Alors là, Franck Magoni, je me tourne vers vous pour savoir à quel moment vous êtes devenu fanboy de Conan. Alors je suis devenu fanboy de Robert Howard en fait, parce que paradoxalement, j'ai pas commencé par Conan, j'ai commencé par l'édition Néo des écrits de Robert Howard, donc en France, hein, qui était à l'époque des récits donc traduits par François Truchot, édition Néo, et qui concernait tous les autres personnages de Robert Howard, mais pas Conan, puisque Néo n'avait pas les droits sur Conan. Donc, moi j'ai commencé comme ça, parce que j'aimais les récits d'aventure, j'aimais les récits fantastiques, c'était aussi le début intense en France du jeu de rôle, donc ça m'a beaucoup marqué également. Donc j'ai débuté comme ça, et c'est ensuite que je suis venu à Conan par évidemment les bandes dessinées de Marvel et le film de John Milius. Mais je n'ai pas commencé par Conan. Et Virginie Augustin, est-ce que avant de faire la bande dessinée, vous aviez déjà connu les livres ou vous avez tout découvert en même temps? Moi, c'est un petit peu comme Franck, en fait, et je pense sans doute à peu près au même âge. Moi, j'étais fan de bande dessinée depuis très très longtemps, c'est peut-être pour ça que j'en ai fait mon métier. Mais quand ma grand-mère m'emmenait chez le libraire, j'avais le droit à des tuniques bleues, je ne lorgnais que sur les Conan de Marvel. Et donc j'ai réussi à en pécho un ou deux, et puis après je suis devenue rôliste. Et après, on essaie de trouver en fait des inspirations, des choses qui nourrissent en fait cet univers-là. Et j'ai enfin pu voir Conan de Milius. Alors là, c'était fini. Donc en fait, moi, quand on m'a proposé de travailler sur cette série, moi, j'étais totalement acquise à la cause. Et Xavier Fournier, j'imagine que, bah, forcément, le milieu, vu la connaissance pléthorique des comics que vous avez, ça a forcément été peut-être là-dedans que vous avez découvert Conan, ou c'est le film? Non, dans les comics, mais moi je lisais ça dans les années 70 et c'était publié en France. Alors à l'époque, tout ce qui ressemblait un peu à du muscle, de l'épée, du monstre, du démon, ça posait un problème au pouvoir public. Donc ils avaient collé un conseiller aux adultes ou pour lecteurs adultes sur la couverture. Et alors c'était le sens du danger. Là, c'était pas un cimérien qui défiait le démon, mais c'était quand t'as 12 ans, aller convaincre le type du bureau de tabac, si tu peux le lire celui-là. Donc et c'était un peu sans canailler. Lire du Conan, donc c'était un truc, on lisait ça avec tout un, et puis après on se disait mais pourquoi c'est interdit, ou pourquoi il y a la mention, parce que finalement c'est pas sorcier. Virginie, c'est la littérature homo en fait, un type en slip, peut-être, à moitié nu, je ne sais pas. Mais d'ailleurs, il y a eu un âge d'or de la bande dessinée Conan avec les scénarios de Roy Thomas. En fait, Winsor Smith au dessin. On se rend pas compte, mais Robert Howard, c'est un auteur qui a eu une importance dans le développement des comics. Alors d'abord de manière assez anecdotique, parce que dès 1938, il y a un clone de Conan qui apparaît dans une BD américaine qui s'appelle Future Funnies, et le personnage, alors c'est son nom propre, s'appelle Connard le Barbare. Et c'est très mal écrit, mais c'est vraiment cloné tous les noms. Lui, il est pas cimérien, il est macédonien, il s'est écrit avec les pieds. Mais enfin, il y a déjà cette idée de vouloir copier le personnage. Et dans les années 60, on retrouve dans les ennemis dans les ennemis des Avengers, par exemple, un personnage qui s'appelle Archon. Et Archon, avec son petit pingue fourrure, dont j'ai bien compris que ça fait fureur parmi les lectrices, c'est en fait Conan avec 2-3 super pouvoirs en plus pour lutter contre les Avengers. Mais il y a déjà cette idée là. Alors que Marvel n'a pas les droits. On sent vraiment qu'il y a, et il y a, on pourrait lister comme ça encore une dizaine de personnages qui sont Conan sous un autre nom. Franck Magoni, oui. Est-ce qu'on peut parler de, c'est quoi le style Howard? Le style Howard, moi, alors ce qui m'a, je le définirais par fulgurance. C'est quelqu'un qui me marque toujours, notamment dans les intros de ses textes. Il est capable en quelques lignes de vous placer une ambiance, une atmosphère, sans avoir besoin d'en faire des tonnes, et il vous projette tout de suite dans l'action. Il n'y a jamais d'attente, c'est quelque chose, et puis on court comme ça en avant, on court en avant. C'est vraiment quelqu'un qui, au niveau en termes d'écriture sur la violence, l'action. C'est un écrivain d'action pur et dur, en fait. Voilà. C'est quelqu'un, ce que Lovecraft ne savait pas faire, il l'avait reconnu, puisqu'ils échangeaient tous les deux à ce sujet-là. Il avait dit, mais moi, je ne pourrais jamais faire des scènes d'action comme Robert Howard. C'est quelque chose que je ne peux pas faire. Et moi, c'est ça qui me plaît chez lui. Il a cette façon de vous plonger dans l'action, et puis vous n'en ressortez jamais, en fait. Alors, il y a cette singularité aussi chez Conan, c'est que les récits ont été publiés dans un ordre qui n'est pas chronologique. En fait, c'est des histoires comme ça qui peuvent apparaître, qui ont jalonné la vie de Conan et point. Tout à fait. Mais en fait, Robert Howard partait du principe que ces récits correspondaient à ceux d'un aventurier qui, le soir, au coin du feu ou dans une taverne, vous raconterait des morceaux de sa vie. Et bien, chaque histoire, c'est un morceau de la vie de Conan, mais il n'y a pas de volonté d'organiser en fait cette histoire. Il n'y a pas de récit biographique qui voudrait qu'il se soit extirpé des abysses de la barbarie pour devenir roi du plus puissant pays de l'époque. En fait, c'est simplement un personnage qui traverse comme ça des aventures, puisque Robert Howard est avant tout un écrivain de récits d'aventures, et Conan est un protagoniste autour de qui se déchaînent les événements. Mais ce n'est pas lui qui est au centre de ces récits, en fait. Donc c'est pour ça qu'on ne raconte jamais son histoire. Et pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, est-ce qu'il y a, là je vous pose la question à vous tous et toutes autour de la table, une nouvelle qu'on peut lire et qui synthétise l'esprit de Conan écrit par Robert Erwin Howard? La tour de l'éléphant. La tour de l'éléphant. Pour moi. Il y a une forme de consensus? Ah, la tour de l'éléphant, elle sera... Alors pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas Robert Howard, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour commencer. D'accord. Il y en a d'autres qui sont Virginie emblématiques. Virginie Augustin pense que voilà, Tour de l'éléphant. Et alors, Franck Magoni? Alors moi, si je devais en citer une, ma préférée serait Au-delà de la rivière noire, en fait. Mais pour commencer, la Tour de l'éléphant, c'est bien. Au-delà de la rivière noire, on est déjà... Ça en fait déjà deux. Vous les lisez tranquille. Et puis après, vous reprenez contact avec Blockbuster et on vous donne la suite. Sur les conseils avisés de Muriel Pérez, notre programmatrice musicale, on va désormais écouter Sangoy Blues avec Rory. C'était Sungoy Blues avec Rory. Vous êtes bien sur France Inter, Blockbuster, avec Frédéric Sigrist. Benjamin Parent. Alors, on l'a vu, il y a eu une sorte de schisme dans l'histoire de Conan, ce film de John Milius avec Arnold Schwarzenegger. C'est par ce biais que vous avez découvert Conan. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que moi, enfant, premier magnétoscope, direct, location du Conan. Donc, je devais avoir 12 ans, ça devait être en 87. Et ça a été une grosse claque pour moi parce que j'étais déjà un peu fan de Schwarzenegger. J'avais pas le droit de voir ses films parce que j'avais pas l'âge. Mais voilà, Conan, ça a été fou. En plus, quand j'étais plus jeune, je sais que ma mère m'avait acheté un livre d'illustration de Frazetta, qui a beaucoup dessiné Conan, en tout cas qui a beaucoup dessiné des choses liées à ce genre d'univers. Et voilà, et donc j'adorais le film, enfin j'adorais Schwarzenegger, mon frère c'était Stallone, et voilà. Et ça m'a un petit peu, je pense que cette passion pour ce type de héros durant les années 80 m'a un petit peu frustré, parce que forcément quand on se regarde devant sa glace, on se dit qu'on ne ressemble pas du tout à ce type. Et que si ça, c'est un homme, on n'en est pas. Hein. Nous, on est quoi en fait? Et voilà. Et j'ai revu le film récemment. Et donc le film est extraordinaire. Schwarzenegger incarne vraiment ce personnage. Alors, évidemment, moi, je connais pas les romans, donc j'ai cru comprendre que c'était une mauvaise adaptation. Mais en tout cas, c'est un bon film. La musique est incroyable. Basile Polidori, c'est vraiment une des meilleures BO du monde. Hein, c'est pas exagéré de le dire. Et qu'on peut écouter sans même voir le film. Bah, hein, c'est-à-dire, c'est magnifique. On peut écouter. Moi, je l'ai écouté un petit peu là, en venant là dans le métro. Ça rend les stations épiques. Voilà, c'était. Et en fait, donc le film est vraiment incroyablement bien réalisé. On peut regarder le film sans le son. On comprend tout. Alors évidemment, c'est pas un film très compliqué pour autant, mais il y a une imagerie, il y a une narration visuelle qui est incroyable. Et puis il y a un truc qui est assez drôle et que j'avais pas capté quand j'étais enfant, c'est que c'est vraiment un film sur le phallus, sur la virilité et surtout sur l'érection. C'est-à-dire que super l'acier. Vite sur l'acier c'est vraiment l'érection maintenue, soutenue. Et les méchants du début, ils cherchent l'acier, ils l'ont pas, et ils trouvent l'acier au cœur du clan de Conan, en tout cas de sa famille. Et il y a cette scène quand ils prennent l'épée du père qui vient d'être forgée, et comment ils la regardent, ils sont fascinés par cette épée droite, dure, solide. Et le méchant, Tulsa Doom, est un méchant qui est un petit peu efféminé, qui ne se bat pas, qui manipule les gens en les hypnotisant, qui, dans le film, tue que des femmes. Et donc c'est un super méchant, un vilain qui à mon avis a des problèmes d'érection. Son animal fétiche c'est le serpent, et plusieurs fois il les tient dans sa main, et le serpent c'est quoi, c'est l'absence d'érection, c'est tout mou. Non mais c'est vrai, et quand on a ça en tête et on voit le film, c'est fou. Et le seul fois où il durcit, les serpents sont durs, c'est quand il s'en sert pour en faire des flèches, et on les voit, il les fait glisser dans sa main et ça durcit le serpent. Le film est vraiment Benjamin, il faut le savoir là, vous êtes en train de vriller la vision de Conan pour des millions d'auditeurs. Je ne sais pas, je ne permettrai pas de parler du travail de Howard, mais en tout cas dans le film, c'est vraiment une obsession. Après, John Milius, on le sait, c'est un réalisateur qui aime les trucs un peu burnés, qui est très comme ça. Il se revendique lui-même d'une forme de, de réaction. Il est très martial. Il est martial, il aime la guerre, il aime les soldats, et dans le film, c'est un film de mecs, et les personnages féminins, il y en a très très peu, et c'est... Et en fait, c'est soit des femmes guerrières, et je pense que, enfin, en tout cas, comment je le perçois, c'est que il les estime parce que finalement, elles sont comme des hommes, elles se battent comme des hommes, elles peuvent tenir tête aux hommes, donc elles méritent d'être bien présentées. Et après, sinon, il y a une sorcière, et le reste, c'est des courtisades, des femmes à moitié nues, etc. Et donc, c'est vraiment un film assez emblématique des années 80. Ça démarre la carrière de Schwarzenegger comme une star bodybuildée, et derrière tout va suivre. Et Conan a été un immense succès, quoi. Alors Conan est un cimérien armé d'une épée dans un monde peuplé de créatures fantastiques. Alors vous imaginez bien que dans le pays des films où on aime voir des gens parler dans des cuisines, eh ben il y en a qui n'aiment pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Il n'y a pas de véritable psychologie du personnage de Conan le Barbare. C'est effectivement un Nietzschéisme de pacotille et ça remonte au début du siècle. Le muscle, le retour à la sauvagerie, le retour au monde originel. Mais enfin... C'est Nietzsche kitsch aussi. Nietzsche kitsch, c'est ça, Nietzsche kitsch. Bien j'ai aucun sens de l'humour ou bien j'ai pas des yeux assez infantiles ou je ne sais quoi, mais tout ça m'ennuie beaucoup. Et John Milius surtout, que je trouve une sorte de mégalomane raté. Parce qu'il voulait être Coppola, il n'y arrive pas trop. C'est donc un film qui est surtout décoratif. C'est pas toujours réussi parce que parfois c'est vraiment l'orgie de pacotille, vraiment des choses qui sont pas tellement convaincantes. Si j'avais 10 ans, j'en serais sorti enthousiaste. Ce qu'il y a, c'est que, bon, effectivement, la philosophie de John Milius est assez faible, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un peu quand même l'Excalibur du pauvre. Il y a peut-être une réserve quand même, c'est un certain racisme latent, même un peu plus que latent dans ce film, car il y a d'un côté les bons Aryens et puis d'un autre côté un roi noir dont on nous montre d'ailleurs la transformation au cours d'une scène extraordinaire. On voit son faciès qui s'allonge, il devient un singe et puis après ça il se transforme en serpent. Non, c'est pas très bon ça, c'est sûr. Bon, alors précisons-le, James Earl Jones, qui interprète Tulsa Doom, ne se transforme pas en singe avant de se transformer en serpent. Je ne sais pas où la critique qui a dit ça a vu ce moment, mais non, ça c'est pas le cas dans John Milius. Alors on voit évidemment que c'est un film qui n'a pas laissé tout le monde indifférent, et comme le disait Benjamin Parent, il y a cette image des femmes aussi dans ce film, mais dans l'œuvre originelle, dans le roman de Ward, quelle est la place des femmes? Mais en fait, oui, en fait, la place des femmes diffère en fonction des nouvelles. Et c'est très paradoxal parce que on a souvent dit que Robert Ward avait un côté effectivement comme ça machiste, mais ça provient de certaines œuvres qu'il a écrites à une période où il a eu besoin d'argent. Et il se trouve qu'il a écrit des nouvelles. Il savait qu'il pouvait placer ses nouvelles chez Weird Tales. Donc il y a un moment où il a effectivement écrit des nouvelles qui permettaient à Margaret Brundage, qui était l'artiste qui réalisait les superbes couvertures de Weird Tales, de dessiner des nus féminins, puisqu'elle excellait dans cela. Et en donc réalisant des nouvelles dans lesquelles il y avait des personnages dénudés, des femmes un peu lascives, que Conan était simplement destiné à sauver, et ça permettait à Margaret Brundage de faire une super couverture et de placer des nouvelles... racoleuse, on va dire, ça fonctionnait déjà à l'époque. Sauf que ça ne représente qu'une toute petite partie des nouvelles qu'a réalisé Robert Ward, parce que lorsqu'il écrit des nouvelles qui lui tiennent à cœur, lorsqu'il fait vraiment des récits d'aventure pseudo-historiques, ce qu'il aimait par-dessus tout, il est capable de faire des personnages féminins qui sont très forts, sans forcément parler de femmes guerrières. Il fait des femmes guerrières. Valeria est une guerrière. Bélite est une femme pirate guerrière qui a une grande importance dans la vie de Conan, dans une nouvelle en particulier, parce qu'il n'y a jamais de personnages récurrents. Mais il peut faire aussi des femmes fortes qui ne sont pas forcément des combattantes. Je pense à la Devi Yasmina, donc la reine du Vendia, qui serait une espèce de royaume pseudo-indien, on va dire. Ou des personnages comme ça, je pense aussi à Tina et Belessa dans la nouvelle Le Maraudeur Noir. Donc, ils ne sont là pas du tout des combattantes, qui sont une petite fille et une jeune femme. Donc, Howard peut faire des personnages féminins qui sont très très intéressants, très forts, très, très au-delà des clichés en fait, qu'on pourrait avoir d'un pseudo-sexisme ou machisme... que Robert Ward ferait véhiculer mais d'ailleurs, à son personnage. Robert Ward était un vrai sentimental. Hein. Il en est mort. C'est ça qui l'a tué, c'est-à-dire séparation d'avec sa petite amie et le décès de sa mère à venir, qu'il n'a même pas voulu supporter, en fait. Oui, ça c'est clair qu'il y a un sujet par rapport à ça. Robert Howard a participé effectivement, comme je le disais tout à l'heure, au revenu du ménage Howard, hein, sachant que sa mère était malade et donc elle avait besoin de soins qui étaient très coûteux. Et puis en fait, à la fin de sa vie, lorsqu'elle a sombré dans le coma et qu'il savait que ce serait irréversible, Robert Ward, qui pensait déjà au suicide depuis de nombreuses années, hein, c'est pas quelque chose qu'il a pris comme ça d'un seul coup, s'est senti, on va dire, libéré de l'obligation d'assister sa mère, et a repris son destin en main et s'est suicidé en fait. Virginie Augustin, on parle justement de féminisme, de personnages féminins dans l'œuvre de Ward, mais dans la bande dessinée particulièrement, Conan a souvent été, je dirais, l'objet culturel dans lequel on pouvait voir beaucoup de princesses dénudées comme ça. Et quand on est une dessinatrice et qu'on aborde l'œuvre de Conan, comment on change? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer d'ailleurs dans la manière de représenter le corps masculin et le corps féminin? Alors, ce qui est effectivement rigolo, c'est que c'est Margaret Brundage, oui. Qui a commencé finalement à créer l'imagerie autour de Conan. Donc c'est une femme qui a commencé à faire ça, et c'est elle qui effectivement mettait en scène des femmes finalement soumises, à terre la plupart du temps, levant les bras horrifiées, mais très peu vêtues. On se disait assez rapidement que la robe tiendrait pas vraiment le choc. Et c'est donc finalement cette imagerie a été créée par une femme. Cette chose-là, finalement, s'est implantée. Et c'est aussi le problème ou l'avantage du dessinateur, c'est que souvent, on dessine des femmes. On aime bien ça. La plupart des copains, ils aiment bien dessiner des gonzesses, et la plupart du temps, ils aiment bien les dessiner nues. Ça fait même partie de l'éducation, finalement, d'un dessinateur ou d'une dessinatrice. Donc, finalement, on ne fait que poursuivre cette imagerie-là. Et c'est normal qu'elle soit rentrée, finalement, dans tout ce qui a été fait après de chez Marvel. Mais personnellement, je ne suis pas trop d'accord, en fait, avec ce qui a été dit sur la place des femmes. Effectivement, les femmes sont des guerrières dans Conan, mais en même temps, tous les hommes sont la plupart des guerriers aussi. On n'a pas souvent affaire à des boulangers ou à un livreur. C'est vrai. C'est tout l'univers, en fait, est un univers mais de violence. Dans l'heroic fantasy, dans sa globalité, c'est vrai qu'on voit rarement les boulangers. Pas beaucoup, moi, j'ai pas souvenir. Par rapport à ça, c'est plus que... Benjamin Parent. Pour le film, c'est plus que bon, il y a son ami qui est archer, il y a un sorcier, il y a son père qui est forgeron. Non, c'est plus que le truc, c'est que j'entends bien qu'il y a l'univers et c'est un univers de violence, mais qu'il n'y a pas de personnages de femmes fortes qui ne font pas quelque chose de martial. Et souvent on parle, même quand on parle de James Cameron, on dit les personnages de Sarah Connor, les femmes fortes. Mais en fait, parfois les visions de ces réalisateurs, c'est qu'une femme forte, en fait, c'est une femme qui fait des trucs de mec. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de montrer une femme forte qui est forte sans aller sur ce que j'appellerais entre guillemets le territoire martial dédié aux hommes et tout. Dans le film, je trouve que la jeune fille que Conan vient sauver à la fin est une femme forte. C'est une tête de lard. Ah, moi je trouve que c'est une... dedans elle est présentée comme elle veut pas hein. Ouais, en fait non, ce qui se passe c'est qu'elle est présentée comme le méchant, en fait, est entouré de hippies hein, qui sont qui sont des gens décadents, et en fait elle est comme une toxicomane, elle est sous l'emprise de ce gourou, et en fait elle a pas vraiment sa volonté, et quand en fait tout le Sadoum est prêt à la sacrifier, c'est là qu'elle décide d'aider Conan, mais elle ne parle pas, sauf pour dire viens me sauver. Elle est quand même, c'est quand même la princesse à sauver, quoi. Oui, c'est la princesse à sauver, voilà. Mais qui veut pas spécialement être sauvée. Ce qui est toujours un personnage féminin quand même intéressant. Parce qu'elle est quand même sous l'emprise de stupéfiants. Et par rapport par rapport à ce que disait Franck aussi, j'ai eu la chance moi justement d'adapter une nouvelle où c'est un personnage qui est pas fort. C'est une femme qui est une esclave, en fait, c'est une princesse qui a été réduite en esclavage et qui arrive à se sauver par ses propres moyens et qui tombe sur Conan par hasard. Finalement, leurs intérêts convergent. Et en fait, c'est une femme qui, elle, va se découvrir cette capacité de liberté, de résistance, de résilience. Et donc, finalement, un personnage très, très moderne pour un personnage des années 30, qui s'appelle donc Olivia, dans Chimère de fer. Et je connaissais pas du tout cette nouvelle-là. J'ai eu le plaisir de découvrir. Et en plus, donc, du coup, j'ai eu le plaisir de pouvoir l'adapter. Ce qui m'a permis, moi, de me projeter totalement à la fois sur Conan, parce que, en me regardant aussi dans le miroir, je me disais que ça collait pas trop, mais pourtant. Et moi, j'y vois assez bien la musculature et ce personnage féminin aussi. Xavier Fournier, sur ces personnages féminins qui ont pu traverser l'univers de Ward, en comics, elles ont une grande histoire aussi. Sonja. Le truc déjà. Juste peut-être une parenthèse pour remonter sur ce qui vient d'être dit, c'est qu'il faut aussi se souvenir à l'époque où ça a été écrit. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, effectivement, on regarde Robert Howard en disant bon, c'est pas très avancé, mais c'est très progressiste pour l'époque. Quand il écrit ces trucs-là, le droit de vote pour les femmes, ça n'existe pas. Hein. Donc, ne serait-ce que représenter des femmes en guerrière, effectivement, dans cet univers-là, tout le monde est guerrier, mais il y a d'autres univers d'heroic fantasy, vous pouvez les chercher, les femmes guerrières, vous allez trouver des boulangères, vous allez trouver des otages, effectivement, des esclaves, mais des guerrières, vous n'allez pas en trouver. Donc, d'ailleurs, même chez Tolkien, il y en a très peu. Hein. Je pense un peu à lui en particulier. Effectivement, il y a quelques femmes fortes que Franck vient de lister, et il y a une espèce de mutation qui s'est produite dans les comics, qui est l'introduction d'un personnage féminin qui ont été cherchés ailleurs dans l'œuvre de Robert Howard. Il y a un roman, enfin une nouvelle qui s'appelle Sonia la Rousse, et ils ont adapté ce personnage-là qui est, je crois, du 15e ou 16e siècle. Je peux dire exactement. Oui, je me permets juste d'intervenir parce qu'en fait, la nouvelle originale, on va parler de Red Sonja, là, suppose, donc de Sonia Larousse. La nouvelle originale dans laquelle apparaît ce personnage, c'est un récit historique, en fait, puisque Robert Howard a écrit des récits historiques. C'était vraiment ce qu'il aurait souhaité faire s'il en avait eu le temps, les moyens. C'était vraiment son cœur d'ouvrage, on va dire. Et il a écrit une nouvelle qui s'appelle L'ombre du vautour, dans laquelle il y a deux personnages. Donc un personnage masculin, un personnage féminin. Et le personnage féminin est une guerrière rousse. Qui s'appelle Sonia Drogatino, puisqu'il faut expliquer que la nouvelle se passe pendant le siège de Vienne en 1599. C'est un personnage donc guerrier, roux, donc une femme forte. Et en fait, ce personnage va être transposé dans l'univers de Conan par le biais donc de l'adaptation Marvel en bande dessinée, puisqu'à la recherche d'histoires de Conan à adapter, donc Roy Thomas va prendre cette nouvelle et va la transposer en faisant en fait du siège de Vienne le siège d'une cité turanienne, enfin bon, l'équivalent des Perses. Un équivalent perse à l'époque de Conan. Et donc, le personnage masculin va devenir Conan, et le personnage féminin, donc Sonia la Rouge de Rogatino, va devenir Red Sonja. Enfin, et donc, un personnage qu'on va inclure dans l'univers de Conan, mais qui n'en est pas, en fait, issu. Mais le point intéressant, outre savoir quel est l'univers, c'est que cette espèce de mutation va rebondir dans les comics en plein dans les années 70, au moment où il y a la libération de la femme, et ça devient un personnage improbable en bikini métal, enfin un truc qu'on peut regarder aujourd'hui, pareil, avec un décalage en disant, c'est sexiste, c'est une sorte de... Vous avez parlé de Barbie hier, donc on peut dire que c'est une Barbie avec un bikini métal, en fait, il s'agit vraiment, là pour le coup, d'une femme guerrière qui va avoir ses propres récits. Ils vont être obligés de créer une espèce de licence hybride sur ce personnage-là, qui va devenir très populaire. Il y avait des dessinatrices de comics dans les années 70 qui se déguisaient elles-mêmes en Red Sonja pour aller dans les festivals de BD et faire des shows pendant les festivals pour revendiquer ce côté libérateur de la femme. Donc il y a eu vraiment un truc un peu ambigu. Parce qu'effectivement, ça reste quand même des belles dames, bien bien taillées, bien gaulées. Mais voilà quoi, il y a un truc derrière. Et juste pour préciser aussi, peut-être deux dessinateurs. On a précisé tout à l'heure. Je crois qu'on a parlé du nom de Barry Windsor Smith, qui est le dessinateur originel de Conan. Et il y a vraiment un monsieur qu'il faut préciser, qui s'appelle John Buscema, qui est le type qui a fixé l'esthétique de Conan. Pour le meilleur et pour le pire, parce que c'est pas forcément celui des romans, mais c'est clairement celui qui a fait qu'on aille recruter Schwarzenegger pour ce personnage. Tout à fait. Dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais pour le moment, on écoute Julien Granel avec... J'étais seul, les cool mecs du lycée maintenant sont seuls. Comme dans un ascenseur, on s'est croisés en sens contraire. À l'époque, je faisais pas vraiment le fier. Je m'habillais déjà comme un arc-en-ciel. J'étais bien trop sensé, peut-être un peu trop sensible. Je reviendrai tôt. Les traces du passé font le nécessaire. Elles décident pour nous ce qu'on nécessite. Même sans en avoir l'air, elles m'ont toutes mené vers la fuite. Je me rappelle à peine de tout leur visage. Pas fait la moitié de ce que j'envisage. L'imaginer ou bien le faire. J'attends depuis des millénaires. Tu sais, j'ai jamais vu de modèle dans ces couloirs si cruels. Ils se bagarrent comme des animaux. Et s'il est trop tard, je reviendrai tôt. Thank you. C'était Bagarre Bagarre de Julien Granel et maintenant on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Sébastien Midena au téléphone. Bonjour Sébastien. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Bonjour. Êtes-vous fan de Conan? Ben, ça tombe très bien parce que j'aime beaucoup votre émission et il se trouve que moi, dans les années 80, j'avais une dizaine d'années et j'ai eu la chance de découvrir le film de Conan ainsi que les comics, les premiers comics. Donc ça m'a permis d'entrer dans le jeu de rôle et je trouve ça très très plaisant d'être ici aujourd'hui. Et ben voilà, tout est cohérent. Tout est cohérent. Alors, vous allez devoir répondre à 3 questions en 25 secondes chrono. Si vous connaissez le principe, si vous ne pouvez pas répondre, pas de problème, vous avez droit à un joker qui vous permettra d'être aidé par l'invité de votre choix. C'est parti. Okay, pas de problème. Comment s'appelle l'un des héros, comment s'appelle l'un des autres héros créés par Robert E. Howard? Solomon K, par exemple. Parfait! Parfait! Voilà. Parfait. Question suivante. En quelle année la première nouvelle de Conan est-elle parue dans le magazine Weird Tales? 1929, 1935 ou 1932? 1932. Bonne réponse! Alors là, à mon avis, ça va être un sans faute. Dernière question. Qui entend-on dans cet extrait du film de John Milius? Qui parmi vous craint encore la mort? Qui n'est pas encore prêt à affronter le néant? Sébastien. Eh ben, il s'agit de la voix de l'un des plus grands méchants du cinéma qui a doublé notamment Darth Vader. Oui, Tulsa Doom. James Earl Jones. Eh bien voilà, c'est un sans faute. Et vous savez quoi? Vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre. On vous fera parvenir un exemplaire. C'est un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Trop bien, super. Est-ce que je peux faire une petite dédicace? Eh bien, allez-y, allez-y. Eh bien, je voudrais faire une petite dédicace à mes collègues de boulot, donc Marie, Violaine, Lucie, Sophie, Juliette, Grégory et Florian. Voilà. On est d'accord qu'ils écoutent tous l'émission? Bah, il y a intérêt. Bon, tant mieux alors, c'est parfait. Voilà. Vous avez raison. Je suis très content et voilà. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et moi, je vais attendre patiemment votre jeu. Voilà. Eh ben, pas de problème. À bientôt. De mon kakemono de Conan de Barbare. D'accord. À bientôt, merci. Bonne continuation. Au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Mais j'aimerais vraiment que les auditeurs qui ont peut-être découvert Conan d'une autre manière s'intéressent à l'œuvre originelle, c'est-à-dire aux nouvelles de départ qui ont fait découvrir Conan. Alors, où les trouver? Qu'est-ce que vous conseillez? Allez-y, rapide tour de table. Xavier Fournet, en comics par exemple, En comics, moi j'en profite juste pour vous glisser que samedi, il y a le Free Comic Book Day et toutes les librairies spécialisées, c'est l'occasion d'aller chercher des BD promotionnelles, mais gratuites à cette occasion, et puis de regarder aussi les autres qui sont bien, et c'est l'occasion d'aller chercher plein de BD de Conan. Elles sont éditées en France chez Panini. Il y a effectivement celles originelles qu'on peut trouver chez Glénat, qui ont été fabriquées par des Français. Et puis intéressez-vous aussi au Conan qui a été produit par une autrice qui s'appelle Becky Cloonan, et je pense qu'elle est c'est un peu hybride entre les romans et les comics. Voilà. Merci Xavier. Virginie Augustin. Ça, j'ai hâte de découvrir ça. Rapidement. En fait, les nouvelles sont sorties en poche. Moi, c'est comme ça que je les ai lues. Il y a deux recueils énormes qui sont vachement bien. On peut faire son choix. Parfait. Et puis bien sûr les BD. Et les BD. Franck Magoni. Oui, pour les petits budgets, donc effectivement, tous les Conan sont désormais disponibles tels que Robert Howard les avait pensés et écrits. Donc c'est en livre de poche. Pour ceux qui souhaitent des éditions un petit peu plus luxueuses, il y a celles de Bragelonne qui sont sorties dans les années 2000. Donc un bon moyen d'attaquer Conan. Et puis pour tous ceux qui aiment la prose de Robert Howard, les récits d'aventure, jetez-vous sur Le Seigneur de Samarcande. Voilà, c'est mon message final. Bon. Le Seigneur de Samarcande. Bon, Benjamin, vous reviendrez de toute façon sur une autre émission, donc vous pourrez donner plaisir. Des conseils à ce moment-là. C'est la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes. Merci Virginie Augustin, Xavier Merci. Fournier, Benjamin Parrain, Franck Magoni et Patrice Louinet. Céline Hila a réalisé cette émission. Jeanne Paravert, Sarah Masson, Hugo Comble ont préparé. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission. Il y a également Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Et merci à Guillaume Roux et Loïc Frappe. À la technique aujourd'hui.